بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد فنو revenons à la risala de son éminence الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى qui est une réplique محمد سعيد رمضان البوطي. Et tout ceci pour éclairer notre jeunesse sur le fait que, au lieu de dire n'importe quoi et de propager n'importe quoi sur les éminences de science comme Cheikh Rabi' ou Cheikh Ubaid ou Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali et d'autres, en disant qu'il n'y a que qui réplique, etc., bah, cette série de cours, hein, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que eux, que la réplique fait partie de notre religion et fait partie des fondements de la salafia. Hein, et comme on le verra aussi dans une autre série, où Cheikh Ibn Baz, il réplique à des écrivains, où il réplique à des hein, étudiants de sciences et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermi tous sur la voie de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. Nous sommes arrêtés, je crois que c'est le quatrième cours dans cette risala, c'est à peu près l'avant-dernier cours dans cette risala, à la 24e réplique. At-taqib al-rabi' wal-ushroun fi safhatay 118 wa 119 أثنى على بعض المتصوفة وبعض مؤلفاتهم كالقشيري et à la page 118 et 119 de sa risala, Dr. Bouti a fait les éloges de certains soufis et de certains de leurs écrits comme les écrits de القشيري. يقول الشيخ الفوزان وهذا الثناء في غير محله. Et Cheikh Al-Fawzan dit, ces éloges ne sont pas à leur place. يقول, لأن التصوف أصله مبتدع في الإسلام ودخيل عليه. Car le sophisme, hein, ne fait pas partie de l'islam à l'origine. Et donc c'est une innovation, c'est quelque chose de nouveau. وقد تطور إلى أفكار إلحادية. Et il a évolué vers des idées de l'athisme. يقول وما زال العلماء المحققون يحذرون منه ومن أصحابه وبالخصوص القشيري. Et les hommes de science authentificateurs n'ont cessé d'avertir contre le soufisme et contre les disciples du soufisme et en particulier le قشيري هذا. فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رد مفصل على رسالته وما فيها من مخالفات وشطحات وفي الثناء عليه وعلى أمثاله تغرير بمن لا يعرف حقيقتهم. Il dit حفظه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية il a une réplique détaillée à l'écrit du القشيري et où il montre les divergences et les erreurs et les énormes erreurs qu'il y a dans les livres du القشيري. Et cher de nous dire le fait de lui faire des éloges à القشيري et aux similaires de القشيري sont comme lui, ben cela, c'est induire les gens qui ne connaissent pas leur réalité, les induire en erreur et les attacher à eux. يقول التعقيب الخامس والعشرون, la 25e réplique. تكلم عن صفات الله عز وجل من صفحة 132 حتى صفحة 140 وقد حصل في كلامه أخطاء كثيرة من أهمها. Cheikh de nous dire, Hafidahullah, Cheikh Al-Fawzan, que le Bouti, dans son livre de la page 132 à la page 144, il a parlé des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les paroles qu'il a émis de la page 132 à 144, il y a des énormes erreurs. Il a ramené beaucoup d'erreurs. Il cherche de citer les plus importantes de ces erreurs. Et sache, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, que le Bouti, chaque année, vers l'été, il vient, fait une tournée en Europe, il est accueilli dans les grands hôtels, à Cannes, et un petit peu partout là où il va. Pas croire que c'est quelqu'un que personne ne connaît. Demandez aux frères de Cannes et de Nice, ils vous diront. أولا اعتبار آيات الصفات من المتشابه وهذا خطأ. Premièrement, dit Cheikh Al-Fawzan, Dr. Bouti, il considère que les versets qui ont rapport avec les attributs d'Allah font partie des versets qui ne sont pas clairs. Et ça, c'est une erreur, dit Cheikh Hafidhahullah. لأن آيات الصفات عند سلف الأمة وأئمتها من المحكم. Car les versets concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala chez les pieux prédécesseurs de cette communauté et chez les imams de cette communauté, les versets des attributs font partie des versets qui sont très clairs. يقول الشيخ الفوزان ولم يقل إنها من ولم يقل إنها من المتشابه إلا بعض المتأخرين الذين لا يحتج بقولهم ولا يعتبر بخلافهم. Il dit, et personne n'a dit que les versets concernant les attributs, hein, que ce sont des versets qui ne sont pas clairs, ceci a été dit par certains derniers, mais cela, leur parole n'est pas prise en considération, et leur parole n'est pas une preuve, on ne prend pas en considération leur divergence. يقول تانيا ذكر أن آيات الصفات لها محملان. Et deuxièmement, il dit que les versets concernant les attributs d'Allah sont expliqués de deux façons. On peut leur donner deux explications. Al-mahmal awwal an tujra ala zahiriha ma'a tanzihi Allah azza wa jal 'an ash-shabih wa ash-sharik wa qala in hadha ta'wil ijmali li'ann zahiraha ma huwa min sifat al-makhluqin. Et la première interprétation, il dit, c'est qu'on doit prendre ces textes concernant les attributs selon leur apparence, tout en faisant exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est un associé ou quelqu'un qui lui, ou quelque chose qui lui ressemble, ou quelqu'un qui lui ressemble. Et il dit ça, c'est une explication générale, car l'apparence de ces textes, hein, ne sont pas des attributs des créatures. يقول الشيخ الفوزان والجواب نقول له ليس الأمر كما ذكرت فليس ظاهرها يدل على مشابهة صفات المخلوقين. الشيخ الفوزان de lui dire, hein, la situation n'est pas comme tu as cité. فليس ظاهرها يدل على مشابهة صفات المخلوقين. L'apparence de ces textes ne prouve pas, hein, la ressemblance de ces attributs avec les créatures, avec les attributs des créatures. يقول الشيخ الفوزان وإنما هذا وهم توهمته أنت وتوهمه غيرك. Le cheikh de lui dire, certes, ça c'est une illusion que tu as eue et que d'autres ont eue avec toi. وليس هو ظاهرها. Et ça, ce n'est pas l'apparence des textes et des versets. لأن ظاهرها هو ما يليق بجلال الله وصفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به. Il dit car l'apparence de ces textes et l'apparence des attributs sont comme il s'y a la grandeur, cher Fawzan de dire, l'apparence des attributs sont comme il s'y a la grandeur et à la majesté d'Allah. Et les attributs de la créature, hein, sont comme il convient à, aux créatures. Et les attributs des créatures concernent les créatures. Ils n'ont rien à voir avec les attributs du créateur, Azza wa Jal. ثم قال والمحمل الثاني حملها على المعنى المجازي بأن يفسر الاستواء بالاستيلاء والتسلط واليد بالقوة انتهى كلامه. Et il dit, la deuxième interprétation qu'il faut, le Bouti dit, la deuxième interprétation qu'il faut donner aux attributs, c'est de les porter sur un sens métaphorique, au niveau de la métaphore. Hein? Comme ça, on explique, il dit, l'istiwa, avec le fait de s'accaparer ou de mettre la main sur quelque chose. Et la main, on l'explique avec la puissance. Et ici s'arrêtent les paroles de Al-Bouti. Et maintenant à la réponse de Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله. يقول والجواب نقول له لا يجوز حمل صفات الله عز وجل على المعنى المجازي لأن هذا تعطيل لها عن مدلولها. الشيخ دو دير الشيخ الفوزان دو دير il n'est pas permis de donner une signification métaphorique aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala car c'est dépouiller ces attributs de leur sens et de ce qu'ils signifient. يقول بل يجب حملها على المعنى الحقيقي اللائق بالله لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا سيما كلام الله عز وجل ولا سيما ما يتعلق به وبأسمائه وصفاته. il dit حفظه الله تعالى شيخ الفوزان il est obligatoire de les prendre dans leur sens réel comme il sied à la grandeur d'Allah سبحانه وتعالى et de ne pas leur donner un sens métaphorique. Car à l'origine de la parole, c'est la réalité. Et surtout ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout les paroles qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah. يقول ولا يجوز حمل الكلام على المجاز إلا عند تعذر حمله على الحقيقة. Et il dit, حفظه الله, Cheikh Fawzan, il n'est pas permis de donner une signification métaphorique, sauf si on n'arrive pas à lui donner une signification réelle. Il dit, فليس هناك ما يجب حمله على المجاز. Il dit, car il n'y a rien qui oblige à les porter sur une signification métaphorique. وكتبرير منه لهذا الباطل الذي ذكره نسب إلى بعض السلف تأويل بعض الصفات. Et le bon est pour chercher une excuse à ce faux qu'il a cité dans son livre, il a attribué à certains pieux prédécesseurs l'interprétation de certains attributs. فنسب إلى الإمام أحمد تأويل وجاء ربك بمعنى جاء أمر ربك. Il a attribué à l'imam Ahmed rahimahullah comme quoi il a donné la signification au verset qui dit Waja Arabuka dans l'interprétation ton souverain est venu. Il a dit que l'ordre d'Allah est arrivé. Et il a attribué à l'imam Bukhari rahimahullah comme quoi Dahik, le fait de sourire. Hein, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, que l'imam Bukhari lui a donné la signification de la clémence. Wa nasaba ila l'imam Hamad ibn Zayd ta'wil nuzulullah ila dunya bi iqbali jalla jalaluhu ala ibadih. Il a attribué à l'imam Hamad ibn Yazid, comme quoi il a interprété la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala vers le ciel de ce bas monde, comme quoi il vient vers ses serviteurs. Il fait, hein? والجواب أن نقول maintenant les répliques de Cheikh Al-Fawzan. يقول أولا ما نسبه إلى الإمام أحمد لم يثبت عنه ولم يوثقه من كتبه أو كتب أصحابه وذكر البيهقي لذلك لا يعتمد عليه لأن البيهقي يرحمه الله عنده شيء من تأويل الصفات فلا يوثق بنقله في هذا الباب لأنه ربما يتساهل في النقل. الشيخ الفوزان دو ريبليكي دي بروميرمون ce qu'il a attribué à l'imam Ahmed n'est pas confirmé. C'est pas confirmé que ce soit quelque chose que l'imam Ahmed a dit. Et il dit que le Bouti n'a pas été chercher à authentifier cela des livres de l'imam Ahmed ou des livres des compagnons de l'imam Ahmed. Mais le fait qu'il ait cité, que le Bayhaqi a cité ça, il dit le Bayhaqi, on ne peut pas le prendre en considération au niveau, à ce niveau-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, parce que il interprète certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas, à ce niveau-là, prendre sa parole de ses livres directement et la prendre en considération. Parce que peut-être, il est un peu léger dans ce qu'il va prendre et ce qu'il va mettre dans ses livres. يقول والثابت المتيقن عن الإمام أحمد إثبات الصفات على حقيقتها وعدم تأويلها فلا يترك يترك المعروف المتيقن عنه لشيء مضمون ونقل لم يثبت عنه وله يرحمه الله رد على الجهمية والزنادقة في هذا الباب مشهور ومطبوع ومتداول. إيه Cher Bouzan, de nous dire ce qui est sûr, et c'est les choses sur lesquelles on a la certitude concernant l'imam Ahmed, c'est qu'il confirme les attributs d'Allah dans leur réalité. Et il ne leur donne pas de fausses interprétations. Il dit, nous allons pas laisser ce qui est sûr à quelque chose qui est supposé et qui est une transcription, hein, et une transmission qui n'est pas sûre. Et en plus du ça, l'imam Ahmed, il a une réplique au jahmite au niveau des attributs, hein. Il y a Zanadika, et son livre, il est réputé, et il est connu, et il est expliqué aussi par beaucoup d'hommes de science. Yaqul taniyan, وما نسبه إلى البخاري غير صحيح فقد راجعت صحيح البخاري فوجدته قد ذكر الحديث الذي أشار إليه الدكتور تحت ترجمة ويؤتلون على أنفسهم ولم يذكر تأويل الضحك بالرحمة وإنما الذي أوله بالرضا هو الحافظ بن حجر في الفتح والحافظ يرحمه الله متأثر بمذهب الأشاعرة فلا عبرة بقوله في هذا. Et Cheikh Fawzan de dire, deuxièmement, ce qu'il a attribué à l'imam Bukhari rahimahullah n'est pas vrai. Il dit, car j'ai révisé l'authentique du Bukhari et j'ai trouvé que l'imam Bukhari a cité le hadith auquel il fait docteur allusion. Et le hadith, c'est ce Ansari qui a pris, hein, qui a honoré l'invité du prophète alayhi salatu salam, et la nuit il l'a passé lui et sa femme sans avoir mangé, et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le lendemain matin, Allah il a souri de ce que vous avez, de votre acte que vous avez fait la nuit dernière. Et il dit Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, Cheikh, que l'imam Bukhari rahmahullah ta'ala a ramené ce hadith sous le titre, et il subvient aux besoins de d'autres alors qu'ils sont dans le besoin. Il n'a pas cité, l'imam Bukhari n'a pas cité l'interprétation du sourire par la clémence. Et cher de nous dire, et certes celui qui a donné l'interprétation à Dahik par l'agrément, c'est le Hafid ibn Hajar dans l'interprétation de le Fath, qui est l'interprétation de Sahih al-Bukhari. Et Cheikh Al-Fawzan de nous dire, il Hafid ibn Hajar, qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde, est influencé par la voix des Ash'arites. Donc sa parole n'est pas prise en considération. Yaqul talitan, ma nasabahu ila Ahmad ibn Zayd min ta'wil al-nuzul bil iqbal yujabu anhu min wajhain. Il dit troisièmement, ce qu'il a attribué à Ahmad ibn Zayd, comme quoi il a interprété la descente par le fait que Allah il vient vers ou il fait face. يقول الوجه الأول أن هذا لم يثبت عنه لأنه من رواية البيهقي والبيهقي رحمه الله يتأول بعض الصفات فربما تساهل في النقل ولو ثبت عن حماد هذا التأويل فهو مردود بما أجمع عليه السلف من إثبات النزول على حقيقته. Et il dit, Cheikh Fawzan, pour répliquer à ce qu'il attribue comme fausse interprétation à Ahmad ibn Zayd, il dit, je réplique par deux points. Le premier point, c'est que ceci n'est pas confirmé de Ahmad ibn Zayd. Car ceci est rapporté tout simplement par le Bayhaqi. Et le Bayhaqi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de cette sainte miséricorde, il interprète, il donne des fausses interprétations à certains attributs. Et peut-être qu'il est un petit peu léger dans ce qu'il transcrit des autres. Et dans ce qu'il rapporte dans ses livres, des autres livres. Et il dit, s'il a été confirmé de Hamad, comme quoi il a fait cette faute interprétation, ben il est rejeté par le consensus des salafs, qui confirme que la descente, elle est dans sa réalité. La descente de Allah, subhanahu wa ta'ala, est dans sa réalité. Yaqul wajhu tani. أنه لا تنافي بين إثبات النزول على حقيقته وإقبال الله عز وجل على عباده فيقال ينزل ويقبل على عباده وليس في هذا حمل على المجاز كما يظن الدكتور. Et deuxièmement, il dit, il y a aucune contradiction entre le fait de confirmer Allah subhanahu wa ta'ala la descente dans sa réalité et le fait qu'il vient vers ses serviteurs. Il dit, Et on dit, il descend, il vient vers ses serviteurs. Et il n'y a rien qui prouve que ici c'est une interprétation métaphorique, comme le croit Dr. Bothy. Talitan, نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم قد يفسرون الوجه بالجهة أو القبلة أو الذات، وظن أن هذا تأويل للوجه الذي هو صفة من صفات الله عز وجل الذاتية. Troisièmement, dans les erreurs qui, dans lesquelles est tombé le docteur Bothy dans les attributs d'Allah, Cheikh nous dit que Dr. Bothy, il a attribué à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres, comme quoi ils expliquent le visage par la direction, ou par la direction, par la qibla, par la direction de la prière, ou par les sens. Et il a cru que ça, c'est une interprétation du visage, qui est un des attributs, qui fait partie des attributs de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il a cru, Bothy a cru que ces imams ont fait l'interprétation du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a rapport avec son essence, comme quoi c'est la direction, c'est la qibla et ainsi de suite. Yaqul al-Sheikh al-Fawzan, wa hadha adh-dhannu minhu khata'. Wa hadha adh-dhannu minhu khata'. Et Sheikh al-Fawzan de nous dire, et cette croyance et cette suspicion de la part du docteur est fausse. Clairement, il est fausse. Cette suspicion et cette croyance, il est clairement fausse. فهؤلاء الأئمة لم يقصدوا ما توهمه لأن الوجه لفظ مشترك. Et il dit, ces grands imams n'ont pas voulu l'illusion qui est, n'ont pas voulu cette illusion qu'a eu le Bothy. Car le terme visage, le wajh, est un terme qui a beaucoup d'explications. Taratan yuradu bihi le wajh alladhi huwa sifat dhatiya. Des fois, on veut avec, quand il est dans la phrase, il désigne le visage qui est un attribut de l'essence. وَتَارَةً يُرَادُ بِهِ الدِّينُ وَالْقَصْدُ. Et des fois, il est voulu avec la sincérité et pour qui on voue sa religion. وَتَارَةً يُرَادُ بِهِ الْجِهَ وَالْوِجَ. Et des fois, il est voulu avec la direction. وسياق الكلام هو الذي يحدد المقصود في كل مكان بحسبه. Et c'est le contexte de la phrase et de la parole qui va limiter la définition du terme وجه. فإذا فسر الوجه بما في موضع بأحد هذه المعاني لدليل اقتضى ذلك من دلالة السياق أو غيره صح ذلك ولم يكن تأويلا. Maintenant, si le visage a été interprété par l'une de ces définitions et que le contexte de la phrase le prouve, ceci n'est pas une fausse interprétation. Ceci est une réelle interprétation parce que le contexte de la phrase, c'est lui qui commande. يقول بل هو تفسير لذلك النص وبيان للمراد به. Donc, quand on donne l'interprétation du visage par l'une de ces significations, selon le contexte de la phrase, c'est ce qui est voulu avec le texte. Et ce n'est pas une fausse interprétation. يقول الشيخ الفوزان وبما ذكرنا يتبين أنما ذكره الدكتور من جواز حمل آيات الصفات وأحاديثها على المعنى المجازي وصرفي عن ظاهر أنه قول غير صحيح وأنه لا مستند له فيما ذكره عن بعض السلف إما لأنه لم يصح عنهم أو لأنهم لم يقصدوا ما توهمه. Il dit, حفظه الله تعالى, et avec ce que nous avons cité, il nous apparaît clairement que ce qu'a cité, ce qu'a dit Dr. Bothy, comme quoi il est permis de donner au verset des attributs et des hadiths des attributs une signification au niveau de la métaphore et de la détourner de sa réelle signification, ceci n'est pas une parole qui est vraie. Et il n'a aucune preuve, il ne s'appuie sur aucune preuve, ni sur aucun acte chez les pieux prédécesseurs. Et ce qu'il a cité, ce qu'a cité le bonté, ne tient pas debout. Soit il n'est pas vrai de ceux qui l'ont cité, soit ils n'ont pas voulu avec l'illusion qu'a eu le bonté. رابعا اعتمد على تأويلات الخطابي لبعض الصفات وأشاد به ومدحه من أجل ذلك والجواب عن ذلك أن الخطابي يرحمه الله ممن يتأولون الصفات فلا اعتبار بقوله ولا حجة برأيه وله تأويلات كثيرة والله يعفو عنا وعنه. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il cite la quatrième erreur dans les attributs. Il dit, et en plus, Al-Bouti s'y appuie sur les fausses interprétations de l'Khattabi à certains attributs. Et il a fait les éloges à, pour ça, Al-Khattabi. Il dit, la réponse c'est que l'Khattabi, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, fait partie de ceux qui donnent des fausses interprétations aux attributs. Donc sa parole ne peut pas être prise en considération et son opinion n'est pas une preuve. Et il a beaucoup de fausses interprétations. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et qu'il nous pardonne. Yaqul, tumma al-ajib fil amr. أن الدكتور تناقض مع نفسه حيث ذكر فيما سبق أنه يجب إثبات صفات الله كما جاءت مع تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل كما في صفحات 99 و101 و113 و115 بينما نراه هنا يجيز تأويلها وحملها على المجاز هل هذا تراجع عما سبق أو هو التناقض. Et Cheikh Al-Fawzan, d'attirer notre attention, il dit, et c'est étonnant, la situation est étonnante de la part du docteur Al-Bouti. Il se contredit avec lui-même. Parce qu'auparavant, dans les pages 99, 101, 103, 115, il a dit qu'il est obligatoire de confirmer les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala comme ils sont arrivés, tout en faisant en exemptons Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un similaire ou d'avoir une ressemblance dans ses créatures, etc. Il dit là, ici, on le voit qu'il permet de donner des fausses interprétations et de porter la signification des attributs sur la métaphore. Est-ce qu'il est revenu sur ce qu'il a écrit auparavant ou alors c'est la contradiction? Ah, vous voyez, subhanallah al-azim, ceux qui sont en divergence avec la voix depuis des prédécesseurs, combien de fois tu vois que leur parole du début est annulée par et contredite à la fin de ce qu'ils disent. Ou alors le début contredit la fin de ce qu'ils disent. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermit sur la voie de nos prédécesseurs et fasse de nous des gens qui se cramponnent aux hommes de science et qui restent derrière les hommes de science et qui s'éclairent avec la science de ces hommes de science. يقول التعقيب السادس والعشرون. Quand tu vois un docteur comme ça et parler ainsi et être dans la contradiction, et sache frère en Allah Azza wa Jal que le fait d'être dans une clairvoyance et dans une stabilité et d'être sûr de la voie sur laquelle tu es, c'est un don min Allah Azza wa Jal. Et donc nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de ça. Combien ont la science, ont les doctorats, mais ils n'ont pas cette certitude, ils n'ont pas cette quiétude et cette clarté dans la voie. Nous devons reconnaître ce bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier, et se cramponner à ce bienfait et remettre les choses à qui de droit. Quand on ne sait pas, on revient vers les dînes de la communauté al-Islam et on ne sort pas de leur voie et on ne les devance pas. Barakallahu fikum. التعقيب السادس والعشرون لفنسيزيام ريبليك أنه في صفحة 138 يجيز مخالفة السلف في إثبات الصفات على حقيقتها، فيقول: بل نفرض أن أحدا من رجال السلف رضوان الله عليهم لم يجز لنفسه أكثر من أن يثبت ما أثبته الله لذاته مع تفويض ما وراء ذلك من العلم والتفاصيل لله عز وجل، فإن ذلك لا يقوم حجة على حرمة مخالفتهم في موقفهم هذا حرمة مطلقة. انتهى كلامه. إيه regardez cette énormité aussi. La 27e critique est Dr. Botté à la page 138. Il permet aux autres d'être en divergence avec les pieux prédécesseurs dans la confirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur leur réalité. Hein? Il dit, supposons que l'un des pieux prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, s'est pas permis le fait de donner des interprétations à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'est contenté à confirmer Allah subhanahu wa ta'ala, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmé lui-même sans chercher le comment et sans chercher les détails, il dit ceci n'est pas une preuve pour nous interdire d'être en divergence avec eux, avec leur position. Ce n'est pas une interdiction au sens large du terme. Ça, c'est la fin de sa parole. Maintenant à la réplique de celui à qui nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le couvre de sa sainte miséricorde et qu'il le préserve et qu'il nous fasse profiter de sa science, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Qul wa naqul ya subhanallah ala yasa'una ma wasa'a as-salaf أليست مخالفتهم وفيهم المهاجرون والأنصار والخلفاء الراشدون وبقية الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة أليست مخالفتهم لا سيما في العقيدة بدعة وكل بدعة ضلالة بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et Cheikh Al-Fawzan de dire, et nous disons, gloire à Allah, est-ce que la place qui était large pour les pieux prédécesseurs n'est pas large pour nous? Est-ce que le fait d'être en divergence avec eux, alors parmi eux il y a Al-Muhajiroun, il y a Al-Ansar, il y a les Khalifs bien guidés, et le reste de l'ensemble des nobles compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréé, et les générations qui ont reçu les éloges de Allah azza wa jal, n'est-ce pas que le fait d'être en divergence avec eux, surtout au niveau des croyances, est une innovation, et toute innovation est un égarement, et la preuve, il est dans la parole du prophète, alayhi salam, cramponnez-vous à ma sunna, cramponnez-vous à ma voix, et à la voix des khalifs bien guidés, mordez dessus avec vos molaires, et faites attention aux nouveautés dans les situations, et toute nouveauté est une innovation, toute innovation est un égarement. Et que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, dans cette traduction approximative, il est premier qui ont accouru parmi les Muhajiroun et les Ansar, leurs alliés de Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. يقول الشيخ حفظه الله فشرط سبحانه في رضاه عمن جاء بعدهم اتباعهم للمهاجرين والأنصار. دي الله سبحانه الشيخ الفوزان دي نذير الله سبحانه وتعالى il a émis comme condition pour avoir son agrément pour ceux qui sont venus après les nobles compagnons, c'est qu'ils doivent les suivre à la perfection. والدكتور يقول لا تحرم مخالفتهم في صفات الله عز وجل. Il dit alors que le docteur il dit ce n'est pas illicite, ce n'est pas interdit d'être en divergence avec eux dans les attributs d'Allah. يقول الشيخ الفوزان ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون ومعنى هذا الحد على الاقتداء بهم والنهي عن مخالفتهم لا سيما في أصول الدين. ثم هل تجوز المخالفة في أمور العقيدة؟ أليست العقيدة توقيفية لا مجال للاجتهاد والاختلاف فيها؟ الشيخ حفظه الله d'attirer notre attention et de nous dire Et ce que le prophète alayhi salam ne nous a pas annoncé comme quoi ils sont les meilleurs des générations. Et il dit la signification de cela, c'est de nous inciter vers le fait de les prendre comme modèle et aussi de nous interdire le fait d'être en divergence avec eux, surtout en ce qui concerne les fondements de la religion. Et il dit, Hafidhahullah, est-ce qu'il est permis d'avoir des divergences dans les sujets de l'aqida? L'aqida est quelque chose d'arrêté, de décrété, il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation, ni à la divergence, il dit, cher. التعقيب السابع والعشرون لا 27e critique في صفحة 146 المقطع الأخير ذكر أن من البدع القول بفناء النار وأن ذلك داخل بإجماع المسلمين في معنى البدعة وتعقيبنا عليه من وجهين لا 27e critique c'est à la page 146 le dernier passage où il dit, le beauté, il dit, ça fait partie des innovations, le fait de dire que le feu va s'anéantir, qu'il n'y aura plus de feu à un moment donné, le feu de l'enfer. Et il dit, ceci rentre dans le consensus du musulman, dans le sens de la bid'ah. Et cher de nous dire, nous lui répliquons par deux points. Le wajhul awwal, أنه لم يحصل إجماع على تخطئة القول بفناء النار وعده من البدع كما زعم فالمسألة خلافية وإن كان الجمهور لا يرون القول بذلك لكنه لم يتم إجماع على إنكاره وإنما هو من المسائل الخلافية التي لا يبتدع فيها. La première réplique du Cheikh Hafidhahullah, c'est que il y a pas eu le consensus sur le fait de dire que c'est une erreur, le fait de dire que le feu va s'anéantir, qu'il n'y aura plus de feu à un moment donné, le feu de l'enfer. Et le fait de le considérer comme une innovation, comme il a prétendu le docteur. Mais la situation est une situation, le sujet est un sujet de divergence. Et cher de nous dire, même si le Jumhur, une grande partie d'hommes de science, ne voit pas le fait de dire ceci. Mais, il n'y a pas eu de consensus sur le fait de le rejeter. Mais ceci fait partie des sujets sur lesquels il y a des divergences et sur lesquels on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est dans l'innovation. يقول الوجه الثاني أن الذين قالوا بفنائها استدلوا بأدلة من القرآن والسنة وبقطع النظر عن صحة استدلالهم بها أو عدم صحته فإن هذا القول لا يعتبر من البدعة ما دام أن أصحابه يستدلون له لأن البدعة البدعة ما ليس لها دليلا أصلا. Et le deuxième point de la réplique, c'est que Cheikh Fawzan il dit ceux qui disent, qui mettent en avant comme quoi le feu va se terminer, il va s'anéantir, ils ont pris comme preuve certaines passage dans le Coran et dans la Sunna. Et cher de nous dire, tout en même si leur façon de le prouver, etc., il est vrai ou là il n'est pas vrai, le fait qu'ils le disent n'est pas considéré comme une innovation. Tant que les gens, ces gens-là qui adoptent ce point de vue ont émis des épreuves. Car, cher, il dit, les innovations, c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas de preuves à l'origine. Il dit, ce qu'on peut dire dans cette situation, c'est que c'est un point de vue qui est faux, ou une parole qui est fausse. ولا يقال بدعة وبوبادير كوسيتي نوفاسيون. يقول الشيخ الفوزان وليس قصدي الدفاع عن هذا القول. الشيخ دو دير اي مون بوت سي نو با ديفوندر سيت بارول ولكن قصدي بيان انه ليس بدعة. دي مي مون بوت سي دو مونتري كوم كو سي با اون نوفاسيون ولا ينطبق عليه ضابط البدعة وهو من المسائل الخلافية. اي la règle de l'innovation ne s'implique pas à ce sujet, car c'est un sujet, en plus il fait partie du sujet de la divergence. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous allonge la vie, je vous traduirai un débat qu'il y a eu entre l'imam Al-Amin Shinqit rahimahullah et un égyptien sur ce sujet-là, pour avoir une idée claire sur cette situation. Maintenant, j'arrive à la 28e critique. Je n'ai pas à vous la traduire. J'ai compris le sens, mais je ne veux pas vous emmener dans des trucs où j'ai peur de vous donner une ambiguïté plutôt qu'un éclaircissement. Donc, je passe la 28e. Hein. Il est un peu d'une complication. Et l'on sort que les paroles de Al-Bouthi dans ce passage vont de pair avec la voix des Ash'arites. Hein? Tout ceci en ce qui concerne le Coran. Donc je vais passer parce qu'il y a des termes qui sont un petit peu difficiles à traduire et le passage est long et compliqué. Donc je vais pas... Et je vais passer directement au 28e, au 29e, à la 29e critique. في صفحة 149 تساءل عن التسول توسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو بجاه من عرفوا بالصلاح والاستقامة بعد وفاتهم هل هو بدعة أو يقاس على التوسل به صلى الله عليه وسلم حال حياته وهو شيء ثابت دلت عليه الأحاديث الصحيحة ومن ثم فهو ليس من البدعة في شيء ولم يجب عن ذلك التساؤل بل ترك القارئ في حيرة. Et à la 29e critique, il est des choses qui est très grave aussi, à la page 149. Docteur Bote se pose la question sur le fait de demander par l'honneur du prophète ou par la personne du prophète à Allah subhanahu wa ta'ala après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ou de demander par la place ou par l'honneur, par, hein, l'honneur de gens qui étaient connus pour leur droiture après leur mort. De demander par leur place et par leur honneur à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est une bid'a? Est-ce que c'est une innovation? Ou alors, c'est comme le tawassul qu'on fait le compagnon avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire durant sa vie. Hein, quand Omar, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils n'avaient pas de pluie, ils vont voir le prophète alayhi wa sallam pour qu'il leur fasse du'a, pour qu'il y ait de la pluie. Mais il était vivant, c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait du'a. Et comme il a fait Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu arda, quand à une année il n'y avait pas eu de pluie, etc., il a mis en avant qui? L'oncle de Omar, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit auparavant, on faisait tawassul par ton prophète, c'est-à-dire on demandait à ton prophète. Ça veut dire on demandait à ton prophète de nous faire du'a. Et aujourd'hui, on demande à l'Abbas de nous faire du'a. On le met en avant pour qu'il nous fasse du'a. Donc, et ça, c'est tawassul qui est authentique. Et lui, il dit, est-ce que ce tawassul authentique, prouvé, est-ce qu'on peut faire l'analogie dessus avec le tawassul par l'honneur et la place de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et des vertus, etc. après leur mort? Et il dit, partant de là, il n'est pas une innovation, rien du tout. Et il n'a pas répondu à la question qui s'est posée. Il a laissé le lecteur dans une situation ambiguë et dans une hésitation. Il a posé la question, mais il n'a pas répondu non plus. يقول الشيخ الفوزان وأقول أولا التوسل بالجاه ليس عليه دليلا أصلا لا في حياته ولا بعد موته فهو بدعة بلا شك. Il dit, حفظه الله تعالى, le fait de demander par l'honneur par l'honneur de quelqu'un ou par l'honneur du prophète, etc., ou d'un vertueux, il n'y a pas de preuve à l'origine, que ce soit durant la vie de la personne ou du prophète alayhi salam ou après sa mort. Donc c'est une innovation sans aucun doute. يقول ثانيا اما التوسل بدعاء صلى الله عليه وسلم فهو جائز في حياته مي كنت التوسل avec le dua du prophète عليه الصلاه والسلام il est permis durant la vie du prophète عليه الصلاه والسلام لانه يتمكن من الدعاء فيها car il peut faire le dua durant sa vie اما بعد وفاته فطلب الدعاء منه بدعه ولا يجوز mais après la mort du prophète عليه الصلاه والسلام c'est de lui demander de faire une dua c'est une innovation il n'est pas permis لأنه لا يقدر على الدعاء car il ne peut pas faire le dua ولأن الصحابة لم يفعلوا هذا معه بعد وفاته et que les compagnons ne l'ont pas fait après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام وإنما كانوا يفعلونه في حال حياته mais il le faisait durant sa vie pas après sa mort ولا تقاس حال الحياة على حالة الموت لوجود الفوارق العظيمة بينهما عند جميع العقلاء وإنما يقيس هذا القياس المخرفون il dit dans ces cas-là on va pas faire l'analogie hein, de la vie avec l'analogie de la mort avec l'analogie de la situation de quelqu'un qui est vivant avec sa situation quand il est mort car il y a beaucoup de points qui font la différence qui font une énorme différence chez ceux qui sont doués d'oraison Et ne fait cette analogie que le mukharrifoun, ceux qui vivent avec les histoires de à dormir debout. يقول وإن كان هو يزعم في صفحة 155 أن هذا التفريق لم يعرف إلا عن ابن تيمية. Et il dit et que il prétend à la page 155 comme quoi cette différence, c'est-à-dire entre la vie, le dua, Dieu. En demandant au prophète alayhi salatu wasalam durant sa vie et en lui demandant après sa mort que cette séparation n'est connue que par Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Hein? Hada, c'est ce que prétend le beauté. يقول وإن كان هو يزعم في صفحة 155 أن هذا التفريق لم يعرف إلا عن ابن تيمية وأن السلف لم يفرقوا ولم تفرق الأدلة بينهما. Il prétend que cette séparation et cette différence n'est connue que par Ibn Taymiyyah et que d'Ibn Taymiyyah et que les salafs n'ont pas fait cette différence et que les preuves n'ont pas fait la différence. يقول الشيخ الفوزان وكأنه لم يقرأ ما ذكره العلماء في هذا الموضوع. Il dit comme si le Bouti n'a pas lu ce qu'ont cité les hommes de science à ce niveau-là au niveau du tawassul. وما ذكره ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة. Et ce qu'a rapporté ابن تيمية dans son livre التوسل والوسيلة. عن السلف والأئمة في ذلك le rapportant des pieux prédécesseurs et des imams أو أن تحامله عليه أنساه ذلك ou alors la haine qu'il a vers Ibn Taymiyyah il lui a fait oublier ceci ثم إنه نسب إلى السلف ما لم يقولوه وحمل الأدلة ما لا تتحمله ولم يأتي بدليل واحد على ما قال وأن له ذلك et en plus de ça Dr. Bouffé a attribué à السلف ce qu'ils n'ont pas dit et il a fait dire aux preuves ce que les preuves ne prouvent pas et il a ramené aucune preuve et comment il peut ramener une preuve يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ومتع به والواجب أن الباحث أمثال الدكتور البوطي لا يخطئ شخصا ويتحامل عليه حتى يقرأ كلامه وينظر في مستنداته حتى يعرف هل هو مخطئ أو مصيب Et Cheikh Al-Fawzan de dire, il est obligatoire à tout rechercheur, à un rechercheur comme Dr. Bonté, qui ne doit pas dire que quelqu'un est dans l'erreur, il ne doit pas apporter une haine contre tel ou tel jusqu'à ce qu'il ait toutes ses paroles, qu'il regarde dans ses preuves pour qu'il sache s'il est dans le faux, il est dans le vrai. يقول الشيخ الفوزان هذا هو الإنصاف والعدل ولا ننسى أن الدكتور البوطي له هنات في غير هذا الكتاب حول هذه المسألة قد قام بالرد عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله الشيخ حفظه الله في partie de l'équité et de la justice c'est que on ne doit pas oublier aussi que le Bouti c'est-à-dire fait partie de l'équité c'est que quand tu fais tes recherches avant de dire que quelqu'un est dans l'erreur, tu dois vérifier tout pour savoir s'il est dans l'erreur ou là il est dans le vrai. Ça, c'est une justice. Et il dit, on ne doit pas oublier que le docteur Bouti, il a aussi d'autres grandes erreurs en dehors de ce livre concernant ce sujet du tawassul et Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il lui a répliqué. Hein? Et je me rappelle une parole du Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a eu un débat avec le Bouti, avec son père. Et il disait, rahimahullah, que le père de le Bouti, il avait plus de comportement que son fils. Que son fils, durant le débat, il était d'un mauvais comportement. يقول الشيخ الفوزان ثم إنه في صفحة 146 يهون من شأن هذه المسألة ويقول هي أقل من أن تصدع المسلمين وتجعل منهم مذهبين. Et Ensuite, à la page 146, il ne donne pas l'importance, il minimise ce sujet du tawassul. Il dit, c'est un sujet qui ne doit pas diviser les musulmans, il ne doit pas les diviser en deux. En deux voies. يقول الشيخ الفوزان وأقول كلا والله إنها لمسألة خطيرة تمس صحيح صميم العقيدة وتجر إلى الشرك فكيف تكون هينة. الشيخ الفوزان لو دير نو par Allah c'est un sujet qui est très dangereux qui est dans le vif et le centre des croyances et qui amène vers l'associationnisme. Comment il peut être on peut le minimiser comme ça. La 30e critique في صفحة 150 و157 أدخل تحت بدعة التزيد في العبادة الأذن الأول يوم الجمعة الذي أمر به عثمان رضي الله عنه لما دعت الحاجة إليه وهذا منه خطأ واضح فإن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ففعله هذا يعتبر سنة لا بدعة فيه ولا تزيد وحاشاه من ذلك رضي الله عنه وأرضاه وهذا ينسين ما قاله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ابتدع التفريق بين حالة الحياة والموت إذ أن الخليفة الراشد عنده قد ابتدع وتزيد في الدين أعوذ بالله. Et à la page 150-157, il a rentré sous l'innovation, considérée comme le fait d'augmenter dans l'adoration, c'est-à-dire l'innovation rajout. Il a considéré l'adhan, le premier adhan du jour du vendredi qu'a ordonné Uthman ibn Affan, le troisième calife de cette communauté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Quand le besoin s'en ressentait, il a ordonné cet adhan, ce premier adhan, et le Boutil le considère comme une innovation. Et il le considère, il dit que ça, c'est une erreur claire de la part. Et Cheikh Al-Fawzan de dire ça, c'est une erreur claire de la part du docteur. Hein? Car Uthman ibn Affan, le fait qu'il ait dit que ça, c'est une. Qu'il ait considéré cet adhan dans l'innovation rajout, Cheikh Al-Fawzan dit ça, c'est une erreur claire. Car Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, fait partie des khalifs bien guidés. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Comprenez-vous à ma voix et à la voix des khalifs bien guidés. Donc l'acte de Uthman ibn Affan du Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah est une sunna, ce n'est pas une innovation. Donc il n'y a pas eu un rajout. Et Uthman ibn Affan est élevé au-dessus de tout ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré. Il dit ça, ça nous fait oublier ce qu'il a dit, ce que Dr. Bouté a dit concernant Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, comme quoi Cheikh l'Islam il a innové. Hein? Entre la situation de la vie et de la mort. Et donc, le khalifa, bien guidé, pour le beauté, il a innové, il a augmenté dans la religion. Allahu al-musta'an. Allahu al-musta'an. At-taqib al-wahid wa thalatoun. La 31e critique. في صفحة 160 خلط بين علم الكلام والفلسفة وانتقد شيخ الإسلام ابن تيمية حيث أجاز مناظرة المتكلمين بمثل مصطلحاتهم مع أنه ينكر على الغزال انشغاله بالفلسفة وكأنه لا يدري أن علم الكلام غير الفلسفة وأن بينهما فرقا واضحا. على page 160 nous dit Cheikh Al-Fawzan que Dr. Bouti a mélangé entre la science de la parole et la philosophie. Et il a critiqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah quand il a autorisé le fait de débattre avec le mutakallimoun, ceux qui s'occupent de la science de la parole, et de le débattre avec eux avec les mêmes termes qu'ils utilisent, alors que il rejette Al-Ghazali le fait de te préoccuper par la philosophie, comme s'il ne sait pas que la science de la parole c'est autre chose que la philosophie. Et qu'il y a une grande différence entre la science de la parole et la philosophie. Et Cheikh Al-Fawzan, de nous montrer ce que c'est que la différence entre la science de la parole et la philosophie. قول حمين علم الكلام عبارة عن قواعد الجدل والمناظرة والفلسفة تعني البحث في أصل العالم وحقائق الكائنات وطبائعها وعن العلل والحكم وغير ذلك مما يفضي إلى إنكار وجود الخالق. اللي حفظه الله تعالى وسكي كونسرن النذن Il nous donne l'explication de la science de la parole, ilm al-kalam. Il dit, ilm al-kalam, ce sont des règles de la polémique et du débat. Il dit, quant à la philosophie, elle, il concerne la recherche sur le fait de faire des recherches sur l'essence du monde et sur les réalités de ce qui existe, des créatures et de leur nature et sur les causes et sur les buts et autres choses qui vont amener au fait de nier l'existence du Créateur. يقول الشيخ الفوزان وقد انتقد شيخ الإسلام أيضا في صفحتين 162 و163 من ناحية أنه يحدر من الإقبال على علم الكلام والمنطق وهو قد تضلع فيه وناظر بهما. Il dit حفظه الله تعالى en plus de ça à la page 162 il critique شيخ الإسلام aussi à la page 162-163 du fait que Cheikh l'Islam, il a averti contre le fait d'aller chercher la science de la parole et de la logique, alors que Cheikh l'Islam avait une grande science à ce niveau-là. يقول الشيخ الفوزان والجواب عن ذلك أنه يرحمه الله يحذر من الاشتغال بذلك من هم على غير مستوى علم جيد يمكنه من التخلص من إضرار علم الكلام. Et Cheikh الفوزان de répliquer et de dire que Cheikh al-Fawzan de répliquer et de dire, il dit, Cheikh l'Islam, alhamdoullah, il avertit contre le fait de se préoccuper de ça, il avertit ceux qui n'ont pas un grand bagage scientifique qui pourra leur permettre de se débarrasser du mal de la science de la parole. ولأن ذلك يشغل عن تعلم الكتاب والسنة et en plus de ça, ça les préoccupe, ils n'apprendront pas le livre et la سنة, la science du livre et de la سنة. فأي انتقاد نوجه إليه في ذلك إلا من صاحب هوى وحقد. Quelle critique on peut reprocher à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et orienter vers Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah? Dit cette critique ne peut venir que quelqu'un qui suit ses passions, qui a de la jalousie. يقول ثم إن الشيخ يرحمه الله لا ينكر على من تعلم علم الكلام والمنطق من أجل الرد على المضللين وقتلهم بسلاحهم وإنما ينكر على من تعلمها بغير هذا القصد. Il dit en plus de ça, Cheikh l'Islam, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, il ne blâme pas ceux qui ont pris la science de la parole et de la logique pour répliquer aux égareurs et pour les tuer avec leur arme. Mais il réplique à celui qui ne le fait pas pour dans ce but-là. Et là, il y a une énorme différence. Vous voyez un petit peu dans ce que nous cite Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, les égarements qu'il y a dans cette tête d'affiche. C'est une tête d'affiche dans le sophisme. Et les frères musulmans ne cessent de le mettre en avant et de mettre en avant ce livre sur la biographie et de l'accueillir avec les tapis rouges quand il sillonne et quand il va quelque part, que ce soit en Europe ou ailleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de la science des éminences qui restent et de ceux qui sont morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Et pour aujourd'hui, on arrête là, inshallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا